lorsque tous les autres s'étonnent autour de nous. Même lorsque toutes ces choses nous font douter de tout, j'essaie de donner ce qu'on attend de moi, un peu de vérité. Parfois, je suis en équilibre, je marche sur un fil, je ne regarde plus en bas, tout est si loin déjà. Je suis souvent ailleurs, j'ai compris mes erreurs, je vois des oiseaux s'envoler, des âmes s'enlacer. Même si jamais le monde s'écroule autour de nous, même si la dernière ronde m'entraîne loin de tout, j'essaie d'ignorer ce que l'on dit de moi, un peu de vérité. Parfois, je suis en équilibre, je marche sur un fil, je ne regarde plus en bas, tout est si loin déjà. Je suis souvent ailleurs, j'ai compris mes erreurs, je vois des oiseaux s'envoler, des amants s'enlacer. Je suis en équilibre, je marche sur. S'envoler, des âmes s'enlacer.